Dime en África, es el quinto pie. No, chica, tú es el quinto pie. Oh, como andamos así hoy, a un ferimo barrio. Si me entero, con apoyo por ahí. Es el quinto pie. Comment la bateau, tu as outre cimetière, bâtir cantine, mon bon amas et tout ce pas bon, puis dans mon panty et ça. Eh! Yamma, il y a un manini, maïa, t'es dit tout. Pouti même quand on a un peu de salité. Ma compagne la bateau, quand on va mettre la bama soupe, pour la nuit, ma colbaté, tout ça va parfait, tout pompé, bateau à Zélica. Ma colbaté, tout soit dame à fouta. Y'a qui toque à ce moment-là, tu as pas quoi. Oh, c'est la sorcellerie. Oh, my God, I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.